L'amour du bloc nous permet de tous manger. J'aime de cité, n'aime pas trop se mélanger. Je suis pas de la partie, je dessert pas ce putain de 10. Vend l'OPG, silence, je donne aucun blaze, aucun indice. Rêve de Lambo, je rêve de Ferrari. Mon frère est équipé, donc je peux te m'en faire à pied. Ils font les restas, ils veulent qu'on sympathise. Laisse-les garder l'espoir, garder la pêche aussi. MDR, reprends switch, panier. Que veux-tu faire quand le mal y est? Je suis dans les îles, même en hiver. Comment pas la main, je m'en pas aidé. Tu m'as pas aidé, j'ai des faciles idées, je suis dans Paris. Je sais qui m'envie, je sais qui m'en veut, je sais qui parle dans mon dos. On me dit t'es un brave, t'as rien lâché depuis tout petit. Je resterai vrai de vrai, bah ouais c'est tout ce que j'ai à vous dire. Non ne m'en veux pas, non ne m'en veux pas. J'aurais tout fait pour toi, mais là je ne peux pas. Non ne m'en veux pas, non ne m'en veux pas. Je remonte dans la restaurant, je préfère qu'on en reste là. C'est avec une larme à l'œil que je détiens l'arme à feu. Non, je mélange canard dans la feuille, je roule, je tâche sur un feu. Ils font les fous, j'allume le fuego, on reprend tout. Ils les connaissent tous, mais ils pensent que leurs couilles poussent. Oh là là, je sais que demain sera mieux qu'hier. Mais sache que je suis pas une star, me rappelle pas de ce que j'ai fait la veille. Quand j'entends un gyrophare, ma plume se trempe dans l'encre, encore une fois. Je m'en rends pas compte, mais j'écris l'histoire. Le terrain des beaters, je veux la carrière des beaters. La rue c'est dans mes clippers, c'est la feuille qui allume mon clipper. Je souffle le gun me da, ah, cette tape me dit, présente d'où le rap, ah. Et moi je te présente l'équipe. On me dit t'es un brave, t'as rien lâché depuis tout petit. Je resterai vrai de vrai, bah ouais c'est tout ce que j'ai à vous dire. Non ne m'en veux pas, non ne m'en veux pas. J'aurais tout fait pour toi, mais là je ne peux pas. Non ne m'en veux pas, non ne m'en veux pas. Je remonte dans les restes, je préfère qu'on en reste là.